Le samar, ou les auditions spirituelles, sont des séances de chant qui procèdent de l'incantation a cappella de poèmes mystiques. Dans la même lignée que les autres formes d'invocation, l'écoute du chant a pour effet de réactualiser chez l'être humain le pacte originel des âmes reconnaissant la seigneurie de Dieu par rapport à leur existence même. أغلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان واطلع الحي القيوم وتجلى برحمة الرضوان واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا وانتشرت الرايات الربانية وتلألأت الكائنات بالأنوار وتنكست على رؤوسها الأصنام ونطقت دواب. On définit souvent le hal dans son rapport au maqam, la station spirituelle. Le hal, l'état spirituel, et le maqam, la station spirituelle, sont pour les soufis deux réalités indissociables de l'expérience mystique. Néanmoins, l'état spirituel constitue une expérience passagère, alors que la station spirituelle est beaucoup plus durable et tend vers la permanence. Elle traduit chez le disciple la cristallisation d'un caractère noble comme la générosité, la vertu ou la beauté. Plus stable, ce trait devient à la longue une des qualités divines dont se parle le disciple. Les sensations spirituelles ne sont pas ainsi perçues comme une fin en soi. L'essentiel est dans l'illumination du cœur que réalise le cheminant sur la voie de Dieu. Celle-ci n'est d'ailleurs conçue que comme une voie de la progression. Cette progression se mesure à l'aune de la transformation comportementale. Elle permet le développement d'une saveur, d'un goût, qui passe à la fois par une expérience mystique et une expérience communautaire. La connaissance de Dieu n'est donc pas considérée comme effective tant qu'elle ne devient pas palpable dans le comportement. Ibn Atta Allah al-Iskandari, grand maître soufi du XIIIe siècle, résume parfaitement ses considérations dans cette sagesse où réside la quintessence du soufisme. La beauté des actions provient de la beauté des états d'âme. Et la beauté des états d'âme vient de la confirmation dans les stations où descendent sur les cœurs les faveurs divines. No, no, no.